Ici Mathieu Dugal, vous écoutez la balado-diffusion de La Sphère, édition du 23 février 2013. Aujourd'hui à l'émission, le logiciel libre à la rescousse des finances publiques, des incubateurs de jeux vidéo, une bonne nouvelle pour le jeu d'ici, et voir avec sa langue. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine de culture numérique qui fait flèche de tout bois avec des sujets, oui, hein, assez éclectiques. Merci. Mathieu Dugal au micro, entouré de sa fidèle équipe, Catherine Matisse, Fabien Lozac, Martin Lessard. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Avec votre besace pleine de beaux sujets et on a aujourd'hui, des invités. Quand je parlais d'éclectisme tout à l'heure, ce sera le cas parce que si vous êtes parent, on a invité aujourd'hui au Compte est bon une mère qui a lancé un site web pour encourager les activités culturelles chez les familles. Très intéressant, ça s'appelle La Marelle Mag. Elle s'appelle Aurore Lehmann. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, on va se parler pour le Compte est bon. On aura aussi du jeu vidéo au programme parce qu'on vient de lancer ici à Montréal un incubateur de jeux vidéo. C'est une chose qui pourrait, je ne dis pas révolutionner l'industrie, mais en tout cas donner une nouvelle image à ce que le jeu vidéo québécois, ce à quoi ressemble le jeu vidéo québécois. Et on a aussi Daniel Pascaud qui va nous parler de financement des universités, mais avec un angle très intéressant, celui du logiciel libre. Bonjour, bonjour. Daniel Pascaud, professeur à l'Université Laval. Oui. On va commencer avec les nouvelles de la semaine. Ben, à Québec, justement, Catherine Matisse se termine, en fait, c'est terminé hier, oui. Une troisième édition d'un événement qui fait de plus en plus sa place, le Web à Québec. Le WAC. Voilà, si vous n'étiez pas à Québec comme moi cette semaine, ben vous avez manqué trois beaux jours de rencontres, de classes de maîtres, de conférences, beaucoup de choses sur le design, la mobilité. Vraiment, on y va sur tous les sujets, commerce électronique, médias sociaux, société numérique, marketing, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses et la liste des invités était quand même exceptionnelle. Et il y a cette compétition aussi, le Iron Web, qui m'a beaucoup intéressée. Ça, c'est 72 heures, deux équipes. Et là, il faut développer une application web multiplateforme qui permettrait aux citoyens de communiquer, d'envoyer leurs demandes à la ville de Québec. Mm-hmm. Et c'est l'équipe des Verts avec son application lesfeuxverts.com, c'est déjà en ligne, il faut aller voir, qui a remporté la chose avec donc une application qui permet d'envoyer des messages à la ville. Si vous avez des problèmes avec les nids de poules, les trottoirs, le recyclage, le déneigement, on ça rêve de ça à Montréal. Ça risque de servir. Mais nous, c'est sûr que nous, à Québec, les nids de poules, on ne connaît pas ça. Non. Merci, non. Catherine Matisse. Web à Québec. On leur souhaite d'ailleurs longue vie. Hein. C'est d'ailleurs parti pour rester cette très belle activité-là. Maintenant, Martin Lessard, la semaine dernière, on a discuté ici même de cette espèce de révolution Netflix là, dans la manière dont on consomme nos films. Eh bien, maintenant, au Québec, on a notre petit Netflix québécois. Oui, c'est Québécois Vidéotron, en fait, qui se lance dans un service à la Netflix, qu'ils vont appeler le Illico Club à volonté. Mm-hmm. Donc, ceux qui connaissent déjà Illico, c'est le même principe, sauf que c'est maintenant ouvert à tout le monde. Faut pas être nécessairement abonné à Vidéotron pour ça. Et donc, dans ce sens-là, on a accès à une banque de contenu de 2000 films c'est et séries télévisées. C'est plus modeste que Netflix. Oui, tout à fait, mais c'est presque 100% en français. Donc, en fait, ça fait du bien parce que du côté de Netflix, on parle de quelques films seulement en français. C'est plus modeste dans la programmation, mais c'est plus cher que Netflix, par contre. À peu près 2 $ de plus. Ça veut dire combien, à peu près? 10 $ 10 $ Ouais, 9,99 mais... Par mois, c'est ça. Mais le premier mois est gratuit, même principe que Netflix. Mm-hmm. Formidable. Ah. Ça rachète tout. Ouais. Dans tout cas, c'est une bonne chose, parce que le contenu francophone, il faut le dire, hein, une question culturelle, la question de la disponibilité de ces contenus-là, c'est quand même la clé de voûte là, de l'existence de nos cultures nationales sur le web. On leur souhaite bonne chance, effectivement. Donc, Illico, qui est maintenant en ligne. Club à volonté, voilà, qui est maintenant en ligne. Aurore Lehmann, qui est journaliste, qui a fondé donc la Marelle Mag, ce site web pour les familles qui veulent amener leurs marmots dans les activités culturelles. Vous, ce qui vous a, ce qui vous a intéressé cette semaine, c'est l'affaire Burger King. C'est un petit peu difficile de passer McDo. À côté, en fait. Moi, ça m'a intéressé, c'est un euphémisme. C'était juste un petit peu difficile de passer à côté. Je trouvais que ça avait un petit quelque chose de d'ironique. Ce qui est venu m'interpeller là-dedans, c'est la perte de contrôle un petit peu, parce que on a le sentiment maintenant que les réseaux sociaux sont une arme absolue en matière de marketing, et on oublie que ce qui est beau justement là-dedans, c'est qu'on n'a pas le contrôle. Une fois que le contenu est là, il peut être rattrapé, déformé, piraté, etc. Il faut peut-être rappeler un peu l'histoire à nos auditeurs. Hein. Oui. C'est un troll ou un hacker qui a pris le contrôle de la page Twitter de Burger King et qui s'est moqué de Burger King en mettant une grosse photo de McDonald's, et ça a duré une heure ou deux. Et en faisant croire qu'il était racheté par McDonald's. Ouais. Ils ont quand même eu 30 000 followers de plus, si je ne me trompe pas. C'est l'ironie. Hein. C'est un petit peu, ils ont quand même réussi à donner un petit peu plus de visibilité à Burger King, mais j'aimais bien cette espèce de poésie là, un petit peu de finalement le marketing à tout coup. Effectivement. On suppose que le mot de passe était Whooper, puis quelqu'un l'a trouvé. Voilà. Probablement, voilà. Ouais, c'est probablement ça qui est arrivé, un genre de choses comme ça. Comme quoi que c'est tout un échafaudage, tient des fois à un élément super central comme un mot de passe, et donc ça devient quelque part crucial de bien les protéger. Oui, effectivement. Ouais. Et si vous le disiez fort à propos, Aurore Lehmann, quand on fait ce genre de choses-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut prendre comme dimension, et on l'a vu avec le Harlem Shake aussi cette semaine, vous en avez probablement regardé quelques-uns. J'ai essayé là, d'éviter. Là. Encore une fois. Là, c'est bien rabat-joie. J'ai résisté au Gangnam Style. Je vais résister au Harlem Shake. Là. Vous savez que quelqu'un a réussi à trouver le premier Harlem Shake qui aurait été tiré de Charlie Brown. Oh. La fameuse, une des danses de Charlie Brown. En tout cas, vous irez voir ça. Fait Charlie Brown, Harlem Shake, vous allez tomber sur HEC, en tout cas, HEC qui a fait sa version. Ouais, c'est ça. Il y a bien du monde qui a fait leur version, malheureusement. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça se fait maintenant dans un court laps de temps. En un mois, là, on est rendu à peut-être plusieurs millions de copies différentes de visionnements en tout au complet. Là. Et c'est déjà vraiment... passé date. Et c'est déjà passé date. Ça passe très, très vite. Dieu merci. De l'autre côté. Maintenant, il y a eu Fabien Lozac. En bon gamer, joueur que vous êtes, vous suivez l'actualité de Sony. Je suis plus l'actualité que je suis gamer, pour vous dire. Mais donc, Sony annonçait un lancement cette semaine, celui de sa toute nouvelle génération de consoles, la PS4. La PS4, en fait, c'est un dévoilement. C'est un bien grand mot de parler de dévoilement. On a juste un faux dévoilement. Voilà, c'est un keynote de 2h30. Déjà, c'est beaucoup trop long pour une présentation. Mm-hmm. Et on a juste vu la nouvelle manette et quelques jeux. Au niveau de ce qu'on retiendra, c'est au niveau de l'architecture. On parle d'une architecture beaucoup plus proche du PC, ce qui devrait ravir les programmeurs beaucoup plus que les gamers. Un microprocesseur à 8 cœurs, hein, si ça vous dit quelque chose. Une architecture aussi pensée en fonction des réseaux sociaux, avec le partage. Vous allez pouvoir vous connecter sûrement via vos réseaux sociaux comme Facebook et inviter des amis à venir jouer avec vous. Puis aussi, on parle d'une stratégie multi-écran. On va peut-être pouvoir commencer à jouer sur sa console. Et puis si après, on part pour une autre activité, pouvoir emporter le jeu avec lui pour jouer sur PlayStation Vita, par exemple. Une console portable. Exactement, une console portable. Mais on a surtout vu quelques jeux, dont le très attendu Watch Dogs de Ubisoft. Qui a l'air assez incroyable. Un jeu extraordinaire, complètement ouvert, où en fait, vous êtes un espèce de pirate, cyber pirate, et vous prenez contrôle du OS de la ville. Vous pouvez... Ville de Chicago. Exactement. Vous pouvez hacker à peu près tous les environnements, tout votre environnement. C'est-à-dire les machines de guichet automatique, les cartes de crédit. Les téléphones des gens qui sont dans vos environnements. Les feux de circulation. Tout, à peu près tout. C'est une ville ouverte. Hein? Exactement. Ouais. C'est la promesse qu'on nous fait. Je ne sais pas s'il y a des jeux qui sont possibles sans scénarisation, mais en tout cas, c'est la promesse qu'on nous fait. Ça a l'air extraordinaire comme sur la bande-annonce de Watch Dogs est assez impressionnante. Merci. Ne serait-ce qu'en quand on regarde les graphiques, on voit vraiment que les consoles sont rendues dans un nouveau monde, effectivement. Mais quand même, une belle grosse conférence pour pas grand-chose. On n'a jamais vu la console et on ne sait pas combien elle va coûter. Vous savez, c'est la dernière génération des consoles physiques, hein, parce qu'après, là, tout sera dans l'info nuagique, tout le jeu s'en va dans le cloud. Merci beaucoup, Fabien Lozac. Moi, je vous remercie. De la Nouvelle-Orléans des années 20. On fait un saut temporel et on revient dans l'actualité. Elle est brûlante, oui, celle-là, parce qu'on parle évidemment beaucoup ces jours-ci du financement des universités. Il y aura le fameux sommet qui va commencer lundi. Une question dont on parle très peu sur cette question du financement-là, c'est le logiciel libre. Est-ce que le logiciel libre pourrait venir en aide à nos universités qui ont un manque chronique d'argent? Eh bien, c'est une thèse défendue par Daniel Pascoe. En fait, il pense que oui, le logiciel libre, on doit y venir. pas seulement les universités, mais le gouvernement également. On pourrait sauver des centaines de millions de dollars en adoptant ces logiciels-là. Daniel Pascoe est professeur au département des systèmes d'information organisationnelle à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et président de FACIL, qui est un organisme qui contribue, qui défend l'appropriation collective de l'informatique libre. Bonjour, Daniel Pascoe. Bonjour. Daniel Pascoe, est-ce que c'est aussi gros qu'on le dit, c'est-à-dire que le logiciel libre pourrait vraiment permettre de sauver des centaines de millions de dollars? Il peut permettre de sauver beaucoup d'argent et je pense qu'il est inévitable. C'est-à-dire qu'on vient de rentrer dans une société qui est différente de la société de l'imprimerie qui est... Nos universités, à l'heure actuelle, sont encore beaucoup dans cet âge-là. Et dans la société numérique, tout change. Tout change parce que les conditions d'accès à l'information sont complètement différentes. Et je signalais par exemple que certains de nos doyens commencent à être affolés quand ils voient les MOOCs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les cours en ligne. Ouais, et massif, là, on se demande comment on finance ça, qu'est-ce que c'est comme concurrent, etc. Et ils ne comprennent pas du tout ce qui se trouve derrière. Et ce qui se trouve derrière, c'est l'usage collectif de l'information, de la connaissance. Et parmi ces connaissances, il y a des logiciels. Mais toutes ces choses-là sont basées sur du logiciel libre. Ben c'est ça. Ben bon, expliquons-nous. Je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de logiciel libre. Qu'est-ce que c'est, ça, un logiciel libre? Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel qui est développé par des gens. C'est du logiciel. Et ces gens-là ont décidé qu'il devait être accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils le protègent par une licence, parce qu'on protège le logiciel par une licence. On a le droit d'auteur dessus, donc on peut faire ce qu'on veut. Et ils ont décidé que tout le monde a le droit d'utiliser son logiciel et que si quelqu'un le prend pour le modifier, il devra le laisser aussi accessible à tout le monde. Donc, ça, c'est le contraire de Microsoft avec son logiciel Office, par exemple, où on achète, on paie quand même assez cher et c'est un code qui est fermé, on ne peut rien changer là-dedans. Et quand on achète ça, ben on achète ce que Microsoft veut bien nous vendre et c'est fini. Et la raison d'être derrière ça, c'est qu'on se dit que le logiciel, on ne peut pas accéder à du numérique sans logiciel et que le logiciel devrait être contrôlé par les gens. Pour contrôler du logiciel, il faut avoir au code source. Moi, je ne lis pas tous les codes sources, mais je sais que quelqu'un est capable de lire et donc j'ai confiance dans le logiciel que j'utilise sur mon ordinateur parce qu'il n'y a que du logiciel libre dessus. C'est possible de vivre à l'heure actuelle en logiciel libre. Ouais. Et les gens font ça, pourquoi? Parce que chacun fait un petit morceau et il bénéficie de l'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a besoin, quand on utilise un ordinateur, on a besoin de centaines de millions de lignes de code. Alors, on n'est pas capable de faire ces lignes de code tout seul. Donc, il faut mutualiser. Alors, il y a deux façons de mutualiser. Il y a des gens comme Microsoft qui disent « je fais un investissement à l'avance et puis vous allez me payer par la suite ». Ou il y a des gens qui disent « on va en faire chacun un petit bout, ceux qui sont capables, et on va mettre tous ces petits bouts ensemble ». Et ça va être un logiciel utilisable par tout le monde. Et qui est configurable aussi par tout le monde. Ce logiciel-là coûte beaucoup moins cher. Récemment, on a vu dans l'actualité que le gouvernement va changer tout le parc de logiciels. Le gouvernement du Québec, tout son parc de logiciels, ça va coûter extrêmement cher. Environ 1 milliard de dollars. Vous dites qu'on pourrait faire autrement. C'est-à-dire que le gouvernement pourrait décider d'aller dans le logiciel libre et on sauverait 1 milliard de dollars? Non, on ne sauverait pas 1 million de dollars. On dépense 1 milliard de dollars. Mais c'est peut-être plus. Mais on ne sauverait pas ça. On le dépenserait différemment. D'abord, on ne peut pas changer tous nos logiciels du jour au lendemain. Il y a des adhérences entre les logiciels. Donc, c'est vrai qu'il y a des logiciels. On s'est fait prendre par Microsoft ou on a voulu se laisser prendre. Et donc, nos logiciels interconnectés, je ne peux pas en changer un morceau sans changer les autres. Je n'ai pas le temps de changer les autres. Donc, il faut que je garde le précédent. Donc, il y a ce problème-là. Mais le logiciel, les licences qu'on envoie pour payer le logiciel, c'est en gros 10% du montant total qu'on dépense. Le problème, c'est que ce montant total qu'on dépense est contraint par ces licences-là. Et donc, on ne le dépense pas forcément sur les bonnes choses au bon moment. Donc, globalement, je pense qu'on dépenserait à peu près autant d'argent, mais complètement différemment. Et pourquoi ça serait mieux investi si on investissait dans le logiciel libre au lieu d'acheter des suites Microsoft, par exemple? Ne serait-ce que si on prend le coût des licences. Quand on les envoie à l'étranger, il n'y a aucun retombée pour le pays. Si on paye quelqu'un pour travailler avec, pour les faire un peu évoluer ou pour faire l'installation de ces choses-là, l'argent va tourner 5 fois dans le pays. Donc, c'est complètement différent en termes de modèle économique. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, Google, c'est du logiciel libre derrière. Facebook, c'est du logiciel libre derrière. Il est partout, le logiciel libre. Ouais. L'informatique nuagique, c'est du logiciel libre. Donc, si on ne maîtrise pas ce logiciel-là, il y a deux conséquences. On va être en retard, et on va toujours être en retard, on ne va pas être capable d'innover. Et l'autre conséquence, c'est qu'on est sous contrôle. Parce que vous ne faites avec du... Quand vous accédez avec une information avec du logiciel, c'est le logiciel qui décide ce que vous faites. Mmh. Donc, il y a un très bon chercheur, Laurent Lessig, celui qui a inventé les Creative Commons, qui a un très beau papier qui explique « le code, c'est la loi ». Le code détermine ce que vous avez à faire avec l'information. Qui contrôle le code, contrôle l'information, c'est ça. Ce que vous dites. Là. Et donc, au niveau du gouvernement, par exemple, au niveau des universités, c'est fondamental. On doit contrôler le code. Ouais, mais les questions de sauver de l'argent également aussi, là-dedans. Là, parce aussi. Que là, vous dites on pourrait dépenser à peu près la même chose. Mais dans le cas des universités, vous dites que les universités fonctionnent en vase clos. Toutes les administrations fonctionnent en vase clos. Elles sont en concurrence les unes contre les autres. Et si on adoptait la logique du logiciel libre, elles pourraient sauver beaucoup d'argent. Expliquez-nous cette thèse-là qui est quand même assez hardie. Oui. Si je regarde mon université, elle vient de dépenser à voutelle. À vous, 26 millions de dollars pour changer le système de gestion des études. On parle de l'Université Laval. On parle de l'Université Laval. Elle a fait pareil pour son système de gestion financière. Elle a fait pareil pour ses autres systèmes. Donc, elle a dépensé à peu près 100-150 millions de dollars pour ses logiciels d'infrastructure à étaler sur quelques années. Mais c'est récurrent après. On a 5 universités au Québec qui font la même chose, mais avec chaque fois un effort de logiciel différent et un coût répété. Ça fait 600 millions de dollars. Si, je discutais l'autre jour avec Louis Martin, un collègue à l'UQAM, qui a une chaire en logiciel libre, économie sociale et solidaire, si les universités s'étaient mises ensemble pour développer ensemble, parce qu'on a les mêmes besoins et on n'est pas concurrent sur ces logiciels-là, sur une base de logiciels libres, on aurait payé un quart, un cinquième de ça. Et mieux que ça, c'est énorme, on aurait des systèmes qui nous aideraient. Aujourd'hui, mon système de gestion des études, je suis désolé de le dire, c'est un handicap. On nous a acheté un système qui ne sait pas gérer la notion de programme. Alors, si un étudiant change de programme, je ne peux pas avoir la moyenne par programme. Comment je gère, moi, l'université? Et donc, ces logiciels fermés-là font en sorte que quand il arrive des choses, des changements comme ça, on ne peut pas aller dans le logiciel pour rajouter une petite case. Ouais, c'est ce que vous dites. C'est très compliqué. Il est fermé, effectivement, donc on ne peut pas rentrer. Ça appartient à quelqu'un, il est propriétaire. On est dépendant du rythme d'évolution du fournisseur. Le logiciel est partout. Il y a des gouvernements dans le monde où c'est bien implanté, Afrique du Sud, en Belgique, en France. En partie également, les gouvernements fonctionnent avec le logiciel libre. Pourquoi, en terminant, tant de résistance au Québec, Daniel Pascaud? Ah, ça, c'est une question très intéressante qu'on est en train de réfléchir en discutant. Je rencontre, on a eu la chance de rencontrer Stéphane Bédard, on a rencontré Marie Malavoie. Et ces gens-là ont de la bonne volonté. Ils ont compris, mais ça ne se passe pas. C'est des organisations? Parce que informaticiens qui travaillent au gouvernement qui sont contre ça? Où est la résistance? Bonne partie. Il y a une résistance, Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit une fois qu'il y a un parapluie psychologique qui permet de nous protéger. Parce que si le système plante un vendredi soir et que c'est Microsoft, ben voilà, je m'en lave les mains. On appelle Microsoft. Voilà. Mais si c'est moi qui ai fait rentrer le logiciel libre et que ça plante un vendredi soir, c'est moi qui ai pris avec le parapluie psychologique des grandes compagnies avec leur logiciel propriétaire, soulage, à mon avis, dans le système, ce stress. Ben là, on va se développer un petit service à la clientèle, logiciel libre. Avec les centaines de millions qu'on sauve, on devrait être capable de faire ça. C'est un écosystème qui se passe entre les habitudes du gouvernement, entre parce que c'est un écosystème fermé. Je veux dire que le décideur politique n'a pas la compétence et n'a pas les moyens d'agir sur la technique. Donc, ça prend des gens de vous qui expliquer ont pas... ça, mais c'est long à expliquer. Ouais, mais en fait, on va continuer. Si vous voulez continuer la réflexion, vous pouvez aller sur le site de Facile, donc l'organisme qui défend l'appropriation collective de l'informatique libre. Daniel Pascaud, je rappelle que vous êtes professeur au département des systèmes d'information organisationnelle à l'Université Laval. On souhaite que les administrations vous écoutent. Merci. Ça va nous coûter moins cher. Merci. Ouais, c'est long, hein, changer des réflexes organisationnels, ce sera sur le long terme. Ça, c'est très intéressant, en tout cas, cette question du logiciel libre. Maintenant, faisons un petit tour du côté des innovations technologiques vues par Martin Lessard. Rebonjour, Martin. Rebonjour. Et aujourd'hui, vous nous parlez, en fait, de notre langue. Et là, je parle pas de ce qu'on parle, mais la langue, physiquement, ce qu'on a dans la bouche. On l'utilise mal, hein? Ben oui, c'est un des éléments du corps qui... peut très bien sentir l'environnement et c'est même encore plus précis que le bout des doigts. Et un doctorant au MIT, M. Dublin, au Media Lab, qui a réfléchi à ça en disant, mais si j'avais des senseurs équipés de quelques électrodes et que je pouvais le relier à la langue, est-ce que je pourrais ressentir l'environnement autrement? Ah, donc, donc, il la conçoit comme une interface. Tout à fait. C'est qu'au fond, on voit le monde à travers nos yeux, nos oreilles, puis quelque part la sensation, mais la langue peut peut-être sentir encore plus. Et lui, donc, son outil qu'il a fait, c'est qu'il peut... En fait, tout ce qui peut être converti en signaux électriques peut être donc mis sur son appareil et déposé sur la langue. Et par des impulsions, on peut donc, un peu comme le braille, interpréter l'environnement. Donc, on pourrait quoi voir avec sa langue? On pourrait entendre avec sa langue. En fait, tout les... Ouais, entendre c'est quoi, avec sa langue. Appareil dans la bouche? Oui, là, c'est un genre de petite palette qu'on met dans sa bouche. Et oui. Là, il s'envoie des petites impulsions quand, mettons, il y a de la lumière ou il y a un mouvement. Ou même, dans son cas à lui, c'est les champs magnétiques terrestres. C'est quelque chose que nous, les humains, on n'a pas ça inné pour les oiseaux migrateurs, ils sont capables. Mais on pourrait donc sentir le champ magnétique terrestre par ces impulsions-là sur la langue. Évidemment, il faut arriver à décoder ce signal-là. Mais c'est comme le braille, on l'apprend. Et il paraît que c'est pas si compliqué. Il est en ce moment d'essayer avec un test de 12 personnes pour voir s'ils peuvent apprendre à décoder leur environnement autrement. Donc, ça pourrait servir pour des aveugles? Ben, des aveugles, des sourds. Puis moi, je pense, même au niveau genre des sportifs ou même des militaires qui, imaginons, qui quand ils sont en train de courir mais ils ont comme cet élément dans la langue qui vont pouvoir, évidemment, une fois que ça sera mis sans fil, pour pouvoir décoder l'environnement autrement. Oui, parce qu'avec fil, c'est moins... C'est moins chic quand même. La langue, c'est le capteur. C'est pas l'émetteur. C'est le capteur. Et comme il est branché sous le cerveau, et on s'en rend pas compte, mais ça donne quelque part une autre interface sur le monde. Et c'est quelque chose que ce gars-là explore en ce moment. Voir avec sa langue. Non. Martin, vous avez de très belles lunettes. Passons. Le Google se lance dans l'ordinateur portable. En fait, il était déjà, Mais cette fois-ci, ce qui est nouveau, c'est que... C'est un nouvel essai, parce que ça n'a pas été très concluant. Moi, pas tout à fait. Les derniers Chromebooks, c'est leur nom, ils sont le genre de portables qui sont vraiment branchés sur l'info nuagique. Le nouveau qui est sorti cette semaine, il s'appelle le Pixel Chromebook. Cette fois-ci, Google vise les ordinateurs haut de gamme. Et ce qui circule surtout, c'est l'idée qu'ils veulent attaquer quelque part les MacBook Pro. Donc, on pourrait dire qu'ils veulent essayer de faire tomber Apple parce qu'ils sont déjà en concurrence par exemple. Oui, c'est ça. On s'attend à ce qu'ils veulent. Ils veulent viser ça. Enfin, il faut quand même savoir ce que c'est. C'est un portable de haut de gamme, effectivement, très beau, qui ressemble beaucoup à un MacBook Pro. Mais l'écran est tactile et de très haute définition, encore plus de définition que leur fameux Retina chez Apple. Donc, ils veulent vraiment se placer comme alternatif. Une tablette. L'écran est tactile, mais il y a un clavier. Il y a un clavier, on a les deux à la fois. Il y a du monde qui... En fait, c'est comme un peu si on avait un iPad et un portable en même temps. Et vous dites, Martin, que ce qui vous laisse dubitatif dans cette histoire-là, c'est que Google, on associe ça à quelque chose de gratuit. Et vous dites, est-ce que les gens vont vouloir payer 1 500 $ pour un produit Google? C'est ça. En fait, c'est 1 300, mais c'est quand même très, très cher. En général, on s'attend de Google à quelque chose qui est tellement entrée de gamme ou en fait une commodité, comme on dit, peut-être pas le bon mot en français, mais une commodité. On fait une recherche, on va sur le web, on s'attend à ce que ça soit comme gratuit. Jamais on va payer très cher. Et qu'est-ce que c'est ce Pixel Chromebook, sinon qu'un outil qui se branche en ligne et qui a des outils en ligne, donc un petit peu moins performant que quelque chose qui serait local, comme on peut pas faire du montage vidéo, du montage son là-dessus. Il faut que les logiciels existent en ligne et ça, c'est pas vraiment génial. Donc, et quoi? On va faire l'accès à des sites web en ligne et je vais payer un très gros montant pour accéder en ligne. Donc, il y a comme, à mon avis, une très grosse cote, peut-être marketing, à monter pour pouvoir changer la perception. Et Google, effectivement, dans les derniers essais qu'ils ont fait, c'est des outils entrée de gamme qui ont plus ou moins bien marché. On se souvient peut-être, pour ceux qui s'intéressent à ça, mais le Nexus Q qui se veut un genre d'accès à du contenu en ligne, ça n'a pas du tout marché. Donc, on dirait que le hardware, le matériel, ils sont moins forts. Mais tout ce qui est dans le virtuel, le numérique, l'information, ils sont très, très, très forts. Sauf qu'on associe l'accès à l'information à quelque chose de gratuit. Et on nous dira si les gens seront prêts à dépenser quand même beaucoup d'argent. Moi, je parie qu'il y a peut-être du monde qui va le prendre, mais ça ne sera pas un succès. Vous ne mettrez pas votre gros 2 là-dessus? Non, pas du tout. Martin Lessard, merci beaucoup. C'est un conseil de la sphère et c'est gratuit à part de ça. sur la première chaîne, c'est La Sphère qui se poursuit. On reçoit cet après-midi, vous l'avez entendu tout à l'heure en début d'émission, Aurore Lehmann, qui est journaliste et éditrice de La Marelle Mag. Si vous avez une famille, c'est probablement un magazine que vous aimerez consulter, si ce n'est déjà fait. Un magazine qui est en ligne, qui permet donc de suggérer des sorties culturelles pour les enfants. Donc, rebonjour, Aurore. Hein. On vous invite pour Le Compte est bon, parce que vous êtes présente également sur Twitter. Et on parle donc de vos pratiques sur les réseaux sociaux. Comment vous en êtes venu là? Parce que vous êtes journaliste de formation. Ça a dû venir rapidement, non? Les réseaux sociaux? Facebook et Twitter, ouais. Ça n'a même pas été réfléchi. C'était une évidence. Mm-hmm. C'est arrivé avant l'existence même du site web, en fait. C'était la plateforme de lancement pour le site web. La réflexion ne s'est même pas faite. C'était évident. L'outil était là. C'était gratuit. Pourquoi s'en passer? Mm-hmm. Et ce qui était intéressant, notamment dans Facebook, c'était d'aller chercher aussi des leaders d'opinion, entre guillemets, qui pouvaient transmettre cette information. Donc, au moment du démarrage du site web, avoir déjà une base de lecteurs potentiels qui étaient déjà là dans l'attente. Enfin bon, donc c'était... Donc, vous avez créé des lecteurs, en fait, avec les réseaux sociaux. Ça a commencé par les réseaux sociaux. Exactement, pendant 2-3 mois avant le lancement du site web. Et puis voilà. Et puis la pratique sur les réseaux sociaux s'est poursuivie essentiellement sur Facebook, à part après sur Twitter, mais d'abord sur Facebook parce que Facebook permet vraiment de diffuser énormément de contenu et de créer une communauté autour de la page de la Marelle en l'occurrence. Et puis aussi de créer des liens avec l'industrie, avec les gens de l'industrie culturelle. Et assez rapidement, je me suis aperçue que c'était un outil. Je vous apprends rien. Enfin, que c'était un outil formidable. Et vous aimez beaucoup cet aspect. Là, d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de Facebook bashing, là, appelons-le comme ça, des gens qui disent que bon, c'est le royaume de la futilité et du n'importe quoi, mais vous aimez ce côté-là un peu aléatoire. Moi, je suis super enthousiaste. Je suis super futile aussi. Peut-être, je sais pas. Ça en prend toujours un petit peu. Je pense que c'est important d'être lucide par rapport aux réseaux sociaux. On en connaît les limites, on n'est pas des enfants, on sait très bien, on connaît très bien les limites de ces plateformes-là. Ceci étant, ce sont des plateformes qui existent, qui sont là, qui sont gratuites, encore une fois. Je ne comprends pas l'intérêt, je ne vois pas du tout l'intérêt qu'on aurait à s'en passer, d'autant plus qu'encore une fois, ça permet de créer vraiment la notion de communauté, de contact permanent, d'échange de bons procédés, beaucoup plus rapidement avec Facebook et avec les gens qu'on veut aller chercher, pas seulement les lecteurs en l'occurrence, mais les gens qui font partie de l'industrie culturelle. Ça accélère le processus énormément. Mais en même temps, il y a des choses qui sont quand même... Bon, on sait que ça revient souvent, l'aspect futile, on vient d'en parler. Dans votre cas, dans le cas de la Marelle Mag, ce qui a le plus fonctionné, c'est une photo de sandwich au pain de mie. Extraordinaire. Pain de mie décoré. Et vous allez me dire, ouais, c'est un peu normal que ça marche sur les réseaux. C'est votre grosse histoire. Mais ça fait partie du côté décourageant. Moi, j'appelle ça de la poésie. Ça me fait rire, ce côté aléatoire, justement, où on a l'impression qu'on est là en contrôle total de notre image. Et puis, c'est pas vrai du tout. Un jour, il se passe un truc comme ça. La Marelle, on est très branché design. On est très exigeant sur le contenu. Ça fait partie de la mission première du site. Et bien, sur Facebook, le poste qui a le mieux fonctionné, effectivement, c'est une image de pain de mie décoré. Et j'ai eu, je pense, 3500 partages, 300 fans de plus en deux jours. J'ai rien compris. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ça. C'est votre vidéo de chat, c'est ça. C'est mon vidéo de chat. Alors, je me suis dit, bon, après, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois poster une fois par semaine, chaque semaine, une photo de sandwich. Bah, idéalement. Ou pas. Non, mais. Faut saisir le message. C'est intéressant. Les gens du blog du Monde s'étaient posé la question quand les nouveaux paramètres sont rentrés en cause sur Facebook, là, le fait qu'on doive payer sur Facebook. Ils posaient la question, justement, est-ce qu'on va être obligé de poster des trucs débiles au lieu de poster un vrai contenu continuellement, parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne. Et je pense que ce qui est bien, c'est de trouver cet équilibre entre la cohérence avec son contenu, rester fidèle à soi-même parce que c'est quand même ça qui fonctionne à long terme, mais de temps en temps aller chercher quelque chose d'un petit peu surprenant comme ça qui voilà. Bah, en tout cas, c'est une leçon d'humilité. Donc, aussi hein, parce poster qu'on... des photos de pain de mie, vous allez voir, ça marche. Alors, on vous invite au Compte est bon et évidemment pour faire des fleurs également, on demande aux invités de faire leur fameux FF de la semaine. On sait que les ressources pour les parents d'enfants qui veulent développer, par exemple, dans votre cas, des sorties culturelles, c'est peut-être pas nécessairement évident à trouver. Et donc, vous nous en proposer quelques-unes. Et vraiment, ce qui vous a marqué, vous, dans vos visites, c'est Appli Mini, qui est un site qui recense des applications de iPad et de iPhone. Oui, c'est un site web français. Alors, je suis désolée, hein, j'aurais pu trouver ça, mais malheureusement, ça n'existe pas. L'équivalent n'existe pas au Québec. Mais c'est un très chouette site, vraiment, parce qu'il y a une exigence fondamentale par rapport au choix des applications en question. Pas seulement du point de vue du contenu pédagogique, mais aussi du point de vue du contenant. C'est-à-dire que ce sont des applications d'un point de vue design qui sont vraiment magnifiques, qui sont intelligentes et ils en proposent de manière très régulière. Donc on peut aller sur le site www.applimini.com. Il y a aussi une page Facebook, donc évidemment on peut la suivre et on a des informations régulières. Et puis pour ce qui est de la Marelle, ça correspond tout à fait à mon lectorat, parce qu'on a quand même un lectorat qui est passionné visiblement par tout ce qui est applications et nouvelles technologies, puisque dès qu'on poste un article qui porte sur les nouvelles applications, ça marche énormément. Bon, mais c'est une bonne nouvelle, pas seulement les tranches de pain. Maintenant, Timbuktu Magazine, autre ressource pour les parents. Donc, c'est un magazine iPad. C'est le magazine iPad pour les enfants. Pour enfants. J'ai essayé de trouver, je me demande encore si c'est anglais ou espagnol. J'ai encore un doute parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur leur site. Mais c'est le magazine pour enfants sur iPad qui a été conçu encore une fois par des passionnés à la fois de l'enfance mais aussi du design. Designer graphique beaucoup. C'est beau, hein? C'est magnifique. L'interface est extraordinaire. L'interface est extraordinaire. Donc, pour sensibiliser les enfants à l'image, c'est super. Mais il y a aussi beaucoup de contenu, donc recettes, conseils, il y a des petits jeux interactifs. Il y a énormément de contenu intéressant. Et encore une fois, c'est renouvelé chaque jour. Il y a un nouveau contenu chaque jour. Autre ressource donc pour les parents, magazine donc pour enfants. Donc si vous voulez faire cliquer votre enfant sur des beaux trucs, c'est ça. Et en terminant, Vintage Kids Books. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. Alors ça c'est une maman qui a créé ce site web là, qui est vraiment une passionnée du livre vintage, des vieux bouquins pour enfants. Et elle en recense encore une fois très très régulièrement, quasiment tous les jours il y a de nouvelles choses. Donc c'est vraiment super intéressant. Je voulais juste parce que ça, c'est un petit peu anecdotique, mais je me suis aperçue au dernier moment, j'ai le droit de rajouter quelque chose. Allez-y. Voilà, je crée la surprise. Oh. On a parlé dans le site web, on a fait un article sur un petit studio de jeux vidéo qui s'appelle Untold Entertainment, excusez ma English, qui est un petit studio torontois qui a été créé par un papa qui travaillait pour l'industrie du marketing et qui a claqué la porte parce qu'il en avait marre. Et il a créé un jeu avec sa fille de 5 ans, un jeu vidéo conceptualisé par sa fille de 5 ans. Ça donne un résultat extraordinaire, c'est super beau. Untold c'est Entertainment. Voilà, ils ont un site web et ils permettent en plus aux parents d'aller télécharger des guides, des kits de développement pour développer eux-mêmes leurs jeux vidéo avec leurs enfants le samedi après-midi quand il neige et qu'on ne sait pas quoi faire. Ça peut être une bonne idée. Développer votre jeu vidéo avec votre enfant. En plus, vous avez un contrôle sur le contenu dans ce cas-là. Ça, c'est une suggestion donc de Aurore Lehmann, qui est éditrice, journaliste au magazine La Marelle Mag. Si vous êtes parent et voulez voir des belles idées de sorties culturelles avec vos enfants, c'est l'adresse. On met évidemment toutes ces adresses sur @rc_ La Sphère. Merci, Aurore Lehmann. Merci beaucoup. On va écouter un extrait. En fait, ça met la table pour la chronique de Fabien Lozac. Sommes-nous surconnectés? Voici la réponse d'un groupe sur Internet. Et ça, c'est un petit film qu'on met en ligne également sur @rc_ La Sphère. Allez voir ça. C'est très drôle, premièrement. Et Fabien Lozac, ça pose une grosse question. Sommes-nous surconnectés? Vivons-nous dans un culte de l'hyperconnexion? Ouais, c'est la question avec laquelle on va essayer méchante de répondre. Question. Vous avez reconnu quand même dans le clip l'inspiration du poème All de Allen Ginsberg. C'est une vidéo pour le Jour national de la déconnexion qui aura lieu les 1er et 2 mars prochains, organisée par The Sabbath Manifesto, un projet qui vise à ralentir le rythme de nos vies dans un monde qui s'accélère. Alors le débat sur la surconnexion et l'hyperconnectivité a été relancé cette année avec un livre de Sherry Tuckle qui est une professeure au MIT. Son livre s'appelle Alone Together. Un titre pas mal inspiré de Robert Putnam, un sociologue qui avait écrit Bowling Alone, toute cette tradition sociologique de l'individualisme, en quelque sorte une vision critique de l'individualisme. Mm-hmm. Sa thèse, c'est que nous avons remplacé la conversation par la connexion. Elle donne un exemple, quand on est à la maison, en famille, même quand on est réunis tous ensemble autour de la table, chacun est occupé dans son coin à manipuler son téléphone. Et au travail, les dirigeants textent pendant les réunions, un peu comme des élèves indisciplinés. Dans les bars, régulièrement. Exactement. Dans les salles de cours. C'est le professeur qui parle. Donc, même quand on converse déjà avec quelqu'un, on essaie de se connecter avec d'autres. Et on chercherait à quitter la vraie vie pour la vie en ligne parce que nos téléphones intelligents, eh ben, ils nous donneraient cette illusion que l'on pourrait toujours être entendu par de plus en plus et de plus en plus de personnes. Et ces appareils-là créent évidemment des phobies. Et exactement. C'est des phobies modernes. Là. Exactement, on en a parlé. Et d'abord, il y a une perte de sens du réel. Hein, et puis, il y aurait aussi des nouvelles phobies. Vous en parliez, la nomophobie dont on avait déjà parlé ici. Mm-hmm, mm-hmm. Cette peur de sortir chez soi sans son téléphone. Ou encore le syndrome FOMO, hein, the fear of missing out, la phobie de manquer quelque chose. Quelques mois après l'apparition de ce livre, de Sherry Tuckle, il y a Jenna Wortnam, qui est journaliste techno au New York Times, qui elle aussi a loué les vertus de la déconnexion. Elle a raconté ça dans un article intitulé « Turn off the phone and the tension », donc éteignez votre téléphone et par là même faites baisser votre niveau de stress. C'est un article qui a beaucoup fait parler, mais on pourra quand même dire, on vous économisera la lecture de cet article, un article assez facile, ce genre de texte où la journaliste se met en scène finalement pour un, ouais. peu mieux, pour un peu mieux parler d'elle. Alors elle explique qu'un jour elle se rendait à la piscine et elle a été invitée à déposer son téléphone. Et là, elle a vécu une véritable libération, hein, selon elle. Elle a pu profiter pleinement de sa journée sans avoir à consulter avec anxiété son compte Facebook et son compte Twitter. Et là, elle est passée de FOMO à... JOMO. Oui, c'était une vraie révélation pour elle. C'est le festival de l'acronyme aujourd'hui ouais, à la sphère. Exactement. On a une époque qui, quand même, qui n'est pas avare de néologisme. Alors, elle a inventé le JOMO. Le JOMO, ben, c'est le contrepoint du FOMO. C'est the joy of missing out. C'est la joie de se détacher de la pression. C'est la joie de s'abandonner dans le présent. C'est l'impression de se reconnecter avec la vraie vie, de célébrer les vraies conversations. Sauf que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ces genres de prises de position assez, c'est très romantique. C'est très romantique. Ouais, ouais. Et là, il y a quelqu'un qui est pas très romantique. Un sociologue, vous savez, les sociologues ne sont pas tout le temps romantiques, Nathan Jorgensen, qui est étudiant en sociologie à l'Université du Maryland, lui qui n'est vraiment pas du tout d'accord avec ses positions, et il a écrit un article qui s'appelle « Le fétichisme de la vraie vie », et déjà qui pose le ton, et sa thèse est assez simple. Il explique que les textes critiques, comme ceux de Sherry Tuckle ou de Jenna Wortnam, qui se lamentent finalement de la perte de sens de la vraie vie, eh ben ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'il dit, c'est que nous ne vivons pas dans un monde virtuel, nous sommes devenus obsédés par la déconnexion et la réalité. On n'en a jamais autant parlé. On n'a pas abandonné la vraie vie, au contraire, nous la survalorisons. Êtes-vous JOMO? Bon, ben, ça m'arrive. Ça m'arrive d'être JOMO. Plus hédoniste. Vous êtes de JOMO tendance hédoniste? Hédoniste narcissique. Un bon sociologue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Mathieu Dugard. Je vais le prendre. De toute façon, j'ai les meilleures assurances. Merci, Fabien. C'est moi qui vous remercie. Non, non, non, vous n'êtes pas... C'est pas PM qui a pris le contrôle. C'est toujours la sphère... Catherine Mathis, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la bande originale d'un film dont je vais vous parler. C'est Jean-Louis Murat qu'on entend. Ouais. C'est la Marseillaise Nouveau Genre, en fait. Alors, repensée, en fait, par Jean-Louis Murat. Et la raison pour laquelle je voulais vous faire entendre ça, c'est que j'ai découvert un petit bijou sur Internet cette semaine. C'est France Télévisions. Vous savez, ils ont un département qui fait un peu de l'exploration audiovisuelle. Et là, ils viennent. Les grands médias publics dans le monde ont tous cette espèce de. Absolument. La BBC, très forte dans ce coin-là également. Donc, ils ont mis en ligne un projet que je trouve très innovateur, qui s'intitule « The End, etc. ». Évidemment, c'est en anglais. Alors, bref, on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Vous pourrez aller voir. C'est un projet écrit et réalisé par Laetitia Mathion. Et ça m'a interpellée parce qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci de nouvelles façons de raconter des histoires en ligne. Si vous avez écouté « Tout le monde en parle » dimanche dernier, vous avez peut-être vu Émile Bibeau parler de cette nouvelle comédie transmédia là, qu'on va mettre en ligne ce jeudi. Vous écoutez La Sphère, on vous a parlé souvent du transmédia également ici. Effectivement. Effectivement, dans cette façon, finalement, de raconter les histoires, de laisser l'utilisateur consommer l'histoire un peu comme il le souhaite, de participer aussi beaucoup à la construction de l'histoire. Et c'est un peu ça qu'on fait ici avec ce projet qui est écrit et réalisé, donc, je le mentionnais, par Laetitia Mathion. L'histoire, en fait, il n'y en a pas vraiment. On tourne autour de thèmes. C'est la fin de la narration, hein, beaucoup, quand on parle des nouvelles, les nouvelles techno en culture. Il y a des thématiques qu'on nous offre. qu'on nous propose. Ici, c'est l'engagement, le désengagement politique, amical, amoureux, familial, ce que vous voulez. Là, il y en a beaucoup. Mais ici, on nous propose un cinéma sans histoire prédéfinie. Là, il n'y a pas de début imposé, il n'y a pas de fin imposée. C'est vous qui choisissez. En fait, au début, on a 3 écrans. Il y a 6 mots par écran. On en choisit un. Donc après ça, on se retrouve avec 3 mots. Et ces 3 mots-là déterminent le petit film qu'on va créer finalement. Donc chaque combinaison assemble un film différent. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a pour 4h30 de séquences possibles que vous pouvez choisir. Assembler. Exactement. Et donc, on peut recommencer à l'infini. Là, évidemment, chaque mot est relié à une séquence en particulier. Donc, si vous choisissez toujours le même mot, vous aurez toujours la même séquence. Mais il y a vraiment autant de propositions que de spectateurs. J'ai trouvé ça franchement très, très intéressant. Et il y a aussi, là, comme celui dont je parlais tout à l'heure, Émilie, un niveau participatif. C'est-à-dire qu'il y a un écran d'accueil où, qui est mis en temps, mise à jour en temps réel. Et on nous présente les mots qui sont cités par les utilisateurs. Au centre, vous avez les mots les plus cités et en périphérie, les mots un petit peu moins mentionnés. Et chaque mot donne accès, là aussi, à une liste de séquences. Il y a des mots là-dedans? Il y a pas mal de mots là-dedans. Hein? Il y a pas mal de mots là-dedans. En fait, le mot est la clé pour créer votre propre film. En tout cas, c'est donc une expérience... Allez on voir dire ça. C'est de la recherche et développement dans la manière dont on raconte des histoires. Tout à fait. C'est sur le site donc de France TV. On va le mettre évidemment en ligne sur notre fil Twitter, @rc_. La sphère, juste rapide parenthèse, parlant de la fin de la narration, je suis allé voir le iShow. Vous savez, on recevait Edith Patenaude la semaine dernière à l'usine C. C'est le dernier soir, ce soir. Comment transposer l'univers des médias sociaux dans un théâtre? C'est vraiment très, très bon. Allez voir ça. C'est le dernier soir, là, et j'ai vraiment été séduit. À Vieux Montréalais. Ouais, c'est au Montréalais. C'est les 20h, donc, à l'usine C. Ça s'appelle le High Show. Oui, Catherine. Alors, évidemment, c'est les Oscars demain. Vous savez, on peut pas passer à côté. Mais on a déjà les gagnants, hein. C'est réglé. C'est réglé, je vais vous le dire. Internet a trouvé les gagnants. Internet a tout trouvé ça. Par le truchement de Google. Google et Twitter. En fait, Google, pour la première fois, a créé une plateforme pour les Oscars. Et on nous livre donc les prédictions de Google. Évidemment, c'est basé sur les volumes de résultats de recherche. Alors, je vous le donne tout de suite. C'est réglé. Vous n'aurez pas besoin de regarder ça demain soir. C'est le film Argo. C'est le film Argo de Ben Affleck. Qui va mener la course pour l'Oscar du meilleur film. Hugh Jackman et Jennifer Lawrence vont respectivement gagner le titre de meilleur acteur et meilleure actrice. Et Twitter fait la même chose aussi cette année en nous offrant une plateforme, en nous donnant en temps réel les tweets publiés à travers le monde. C'est comme ça qu'on nous indique les gagnants des 6 grandes catégories, là, parce qu'on n'a pas recensé toutes les catégories des Oscars. Avez-vous fait le test pour Rebelle? J'ai pas fait le test pour Rebelle parce que la catégorie de films étrangers n'y est pas, justement. On a juste recensé les catégories Google, les plus populaires, entre guillemets. Mais ici, c'est Silver Linings Playbook qui remporte la palme pour Twitter. Alors, ça va être à vous de décider. Mais c'est intéressant parce que, vraiment, du côté de Twitter, là, on mesure l'humeur. Hein. Donc, si vous regardez, le site est en ligne depuis la fin janvier, là, on voit la fluctuation du sentiment. Là, Argo, là, ça dépend des semaines. Et Joaquin Phoenix, là, qui est en liste pour le meilleur acteur, lui aussi, on n'est pas sûr d'aimer ou de pas aimer. Alors bref, allez voir ça. C'est intéressant. Google et Twitter là, qui interprètent nos prédictions des Oscars. De toute façon, tout le monde sait que les grands gagnants des Oscars, c'est toujours les blogs de mode. Fait que, c'est vrai. Fait que Vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, Google l'aura prédit et Twitter, on met ça en ligne. Merci Catherine. On sauve du temps. Vous savez, le jeu vidéo est une industrie qui a dépassé depuis quelques années en termes de revenus l'industrie du cinéma, Hollywood. C'est gros, le jeu vidéo. Les franchises sont aussi très grosses. On en sort régulièrement. On a vu Assassin's Creed, cette fameuse franchise développée ici au Québec. Il y a de gros studios, des gros studios aussi qui sont pas toujours en très bonne santé financière. Récemment, on apprenait, il y a eu des pertes d'emplois ici à Montréal. Comment faire pour réussir à juguler ces pertes-là chez les gros studios? Ben, une idée qui est en train de germer, en fait, elle est vraiment toute jeune. Fin janvier, il y a un incubateur de jeux vidéo qui a vu le jour ici sur un modèle américain. Cet incubateur-là s'appelle Execution Lab et on discute avec un programmeur qui est aussi développeur là-bas. Il s'agit d'Alexandre Pelletier-Normand. Bonjour, Alexandre. Bonjour. En fait, je ne suis pas programmeur là-bas. Non, mais c'est pas, vous êtes programmeur de formation. Exactement. C'est ça. C'est mais ça. Là-bas, vous, donc, vous occupez de développement dans ce nouvel incubateur-là. C'est ça. Est-ce que c'est juste de dire que c'est un modèle américain? Parce qu'il y a des beaux exemples dans la Silicon Valley. Effectivement, c'est un modèle américain, mais après, nous, on pense qu'on l'a quand même modifié pour s'adapter à l'industrie québécoise. Donc, on a mis notre propre sauce là. Est-ce que il y a un talon d'Achille dans le fait d'avoir de gros studios de jeux vidéo ici au Québec? Ben, je pense que oui. En fait, il y a une espèce de déséquilibre qu'on voit et c'est un peu le constat qu'on a fait quand on a voulu lancer Execution Labs. Donc, on remarquait que effectivement, à Montréal, c'est une plaque tournante. Là, il y a énormément de gens très talentueux qui travaillent dans le domaine. Donc, il y a plus de 6000 personnes. Et la grande majorité d'entre eux, là, plus de 90%, travaillent pour des gros studios. Donc, ça crée un déséquilibre. C'est parfait. On est super content de voir les succès de Assassin's Creed, etc. Mm-hmm. Par contre, c'est de la richesse qui quitte le Québec. C'est pas des compagnies québécoises. Donc, on essaie d'un peu de rétablir la situation en aidant les entrepreneurs de chez nous à créer leur studio de jeux vidéo. Donc, des studios qui sont, on le sent, beaucoup plus modestes. Là, parce que quand on se lance là-dedans, votre incubateur, là, vous avez un budget d'environ 1,4 million de dollars. C'est ça. C'est donc du capital de risque, il faut le dire. Exactement. Donc, nous, c'est privé. C'est mm-hmm. On a été aidés par des groupes d'investisseurs de Montréal, la Banque de développement du Canada, Real Venture, entre autres. Et donc, c'est des budgets qui sont beaucoup plus petits que des projets comme Assassin's Creed, qui c'est plusieurs dizaines de millions. Nous, mm-hmm. c'est des projets qu'on fait rapidement, entre 6 et 9 mois, le temps de développement d'un jeu. Et donc, on va faire un investissement qui est à peu près de 70 000 $ par projet, par équipe. Donc, des équipes qui varient de quoi? 2 à 5 personnes? Ouais, en fait, c'est plus entre 3 et 5. On était assez surpris. Il y a des gens qui ont appliqué. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais pour faire, nous, on fait que du mobile, donc les tablettes et les téléphones intelligents, et c'est assez pour faire un jeu. Donc, j'imagine que ces programmeurs-là doivent garder leur travail ailleurs, ben là, non, parce que c'est fait, pas avec ils sont, ça qu'on. Ils sont à temps plein là-dedans, et c'est ce qui est assez fascinant, mais en fait. Ils travaillent à temps plein dans leur projet, ils sont très motivés. L'idée, c'est vraiment qu'ils lancent leur propre compagnie. 70 000 $ pour 5 personnes, pour 6 à 9 mois. Ah ouais, on est en dessous du salaire minimum là. En effet, mais en fait, donc nous on appelle ça de la survival money. Sont pas là. L'idée c'est un placement à long terme, mais quand même c'est mieux que de lancer, de partir de zéro avec aucun fonds. Donc on leur donne une aide. Donc il faut savoir aussi que c'est des gens qui quittent, c'est des gens qui ont de l'expérience, donc qui quittent un emploi dans des grandes compagnies, donc ils sont très très bien payés. Et c'est juste qu'on les aide à faire ce saut-là vers l'entrepreneuriat en leur fournissant un peu d'argent. On leur fournit aussi d'autres choses pour les aider, c'est-à-dire qu'on leur fournit les licences, les ordinateurs. C'est des choses qui sont quand même très très très chères. Mmh, mmh. Et aussi, on a des mentors qui vont venir les voir à chaque semaine. Donc, ces gens-là sont encadrés. J'imagine que votre but là-dedans, là, vous le direz peut-être pas, là, mais c'est de créer le prochain Angry Birds. Là, parce que ça, c'est un bon exemple de bonne idée, ah non, pas cher à faire. C'est non, effectivement vous le dites, ouais. Ça. Ouais, c'est, effectivement, l'idée, c'est... En fait, c'est très, très difficile de lancer une compagnie dans l'industrie du jeu vidéo sans avoir un financement pour ne serait-ce que pour faire des opérations marketing, pour faire connaître le mm-hmm. jeu quand il sort. Donc les gens qui passent par nous, c'est un avantage qu'ils ont. Donc, effectivement, l'idée, c'est de créer le prochain gros succès. Et ça, Fabien, on en discutait avant l'émission. Il y a beaucoup, il y a des bons exemples un peu partout dans le monde d'incubateurs qui ont donné, qui ont créé des vraies bêtes. Le plus connu, il a été créé en 2005 dans la Silicon Valley. Hein, c'est Y Combinator. On lui doit notamment plus de 100 startups, mais vous allez reconnaître quand même Airbnb, qui est la plus grande plateforme de partage de domicile où on peut échanger des logements. Donc ça, c'est né d'un incubateur. Dropbox et aussi Reddit. Ils sont tous nés chez Y Combinator, qui est généralement considéré comme la grande légende des incubateurs, le premier à avoir fait ça. Est-ce que c'est l'exemple que vous suivez? Ouais, quand on a commencé Execution Labs, on a regardé quand même plusieurs modèles et on s'est basé sur plusieurs... entre autres, on s'est inspiré de ce qu'ils font, mais on l'a vraiment adapté à l'industrie du jeu vidéo, qui est une industrie très particulière. Donc nous, tous nos mentors qui viennent, c'est des experts du domaine. Donc à chaque semaine, il y a un mentor qui vient, qui va venir habituellement de Californie mm-hmm. ou d'Europe. Donc vraiment des experts dans leur domaine qui vont venir passer du temps avec les équipes. C'est très, très spécifique. On a adapté la sauce aux jeux vidéo. Comment vous choisissez vos gens? Est-ce que, par exemple, vous avez tout l'argent que vous avez reçu, il est dépensé ou il y a encore des projets que vous recevez? En fait, donc on commence avec 5 équipes. On a 5 équipes dans le studio, on a 22 personnes. Et à mesure que les équipes vont graduer, qu'ils vont réussir à sortir leur jeu, ben on va prendre d'autres équipes. Donc, comment on les choisit? En fait, on a reçu beaucoup d'applications. On était assez surpris de voir ça. Puis c'est quoi le niveau de développement des idées? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent déjà avec des trucs qui fonctionnent un peu? Ils ou ont bien, des idées. Ils ont des idées habituellement, mais en fait, l'accent pour nous, c'est vraiment... On le met dans les gens, donc le recrutement de l'équipe. Donc, ce qu'on regarde, c'est l'interaction qu'il y a entre les équipiers. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble? Est-ce qu'ils sont motivés? Ils sont prêts à travailler 100% de leur temps là-dedans? Est-ce qu'ils sont prêts à partager leur idée? Parce qu'un incubateur, c'est ça aussi. C'est les équipes partagent leur idée entre elles. Et après, l'idée, c'est secondaire parce qu'on sait qu'on va les aider à développer cette idée-là. Donc, oui, c'est important qu'ils aient des idées, mais c'est pas le point le plus important. Premier résultat tangible de cet incubateur-là, ça va être quand? Ça va être cet été. Donc, 6 mois après le début des jeux, il va y avoir déjà des jeux qui vont sortir sur le marché. Donc, on attend ça dans les prochains mois. Êtes-vous excité? Est-ce que vous voyez? Je suis très excité. Et en fait, ce qui est très motivant pour moi aussi, c'est de voir le niveau d'excitation des équipes. Donc, moi, j'ai travaillé 10 ans dans cette industrie-là. Et c'est ça, vous venez d'une grande compagnie. Vous avez travaillé chez Gameloft pendant longtemps. Ouais. Et donc, je travaillais pendant 10 ans là-bas. Les 3 dernières années, j'étais à Paris, au siège social. Et je suis revenu. Et donc, l'énergie qu'il y a dans le studio... c'est assez incroyable parce que, bon, ils savent qu'ils ont le contrôle absolu au niveau créatif sur leur jeu et donc ils sont très, très motivés. Bref, on pourrait voir un Angry Birds québécois naître de ça. Ouais. C'est l'idée. Ben écoutez, c'est extrêmement motivant tout ça. Faut dire que ces jeux-là vont sortir aussi sur des plateformes faciles d'utilisation, donc des tablettes, les téléphones dits intelligents. C'est l'avenir un peu de ce genre de jeux vidéo-là. Ouais, on voit vraiment. On n'est pas dans les grosses consoles avec votre incubateur. Les consoles, c'est quand même très très fort, mais il y a quand même un déclin, il y a quand même un passage vers le mobile, donc on essaie d'en profiter. Et ça, c'est donc ces compagnies-là vont être. C'est des compagnies qui se créent en même temps que les jeux. Donc vous créez autant de compagnies. Que de jeux. C'est ça. Donc, quand ils vont quitter l'incubateur, nous, on va les avoir aidés avec l'incorporation de leur compagnie. C'est extrêmement intéressant. On a bien hâte de voir les résultats de ça. On vous réinvitera, tiens, pour parler des jeux qui seront créés. Je rappelle que vous êtes développeur, chef de l'exécution chez Execution Lab, un incubateur qui est né au mois de janvier ici à Montréal. Merci à Tania Gancheva qui était à la technique, Sarah Gagnon-Piché, l'adjointe à la réalisation. La recherche de la sphère, c'est Marie-Michel Giguère, Lydie Mestre et Philippe Couture. L'émission est réalisée par Lucie Benoît et Mathieu Dugal qui vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!